Le lendemain, dès l'aube, le gars vint me trouver. Je ne me rappelais guère sa figure. Quand je le vis, je me rassurai. Il était pas mal pour un paysan, mais il avait l'air d'un rude coquin. Il prit la chose de loin, comme s'il venait acheter une vache. Quand nous fûmes d'accord, il voulut voir le bien. Et nous voilà, partis à travers champs. Le gredin me fit bien rester 3 heures sur les terres. Il les arpentait, les mesurait, en prenait des mottes, qu'il écrasait dans ses mains, comme s'il avait peur d'être trompé sur la marchandise. La masure n'étant pas encore couverte, il exigea de l'ardoise au lieu de chaume, parce que cela demande moins d'entretien. Puis il me dit, « Mais le mobilier, c'est vous qui le donnez ?» Je protestais, « Non pas, c'est déjà beau de vous donner une ferme. » Il ricana, « Je crains un bête, une ferme et un éléphant. » Je rugis malgré moi, il reprit, « Allons, vous donnerez le lit, une table, l'armoire, 3 chaises et puis la vaisselle. Au bain, il n'y a rien de fait. » J'y consentis. Et nous voilà en route pour revenir. Il n'avait pas encore dit un mot de la fille, mais tout à coup, il demanda d'un air sournois et gêné, « Mais si elle mourait, à qui qu'il irait, su bien ?» Je répondis, « Mais à vous, naturellement. » C'était tout ce qu'il voulait savoir depuis le matin. Aussitôt, il me tendit la main d'un mouvement satisfait. Nous étions d'accord. Oh, par exemple, j'eus du mal pour décider Rose. Elle se traînait à mes pieds, elle sanglotait, elle répétait, « C'est vous qui me proposez ça? C'est vous? C'est vous ?» Pendant plus d'une semaine, elle résista, malgré mes raisonnements et mes prières. C'est bête, les femmes. Une fois qu'elles ont l'amour en tête, elles ne comprennent plus rien. Il n'y a pas de sagesse qui tienne. L'amour avant tout, tout pour l'amour. À la fin, je me fâchai et la menaçai de la jeter dehors. Alors, elle cédait peu à peu, à condition que je lui permettrais de venir me voir de temps en temps.